Nerium Park, de Joseph Maria Miró, traduit du catalan par Laurent Gallardo. Enregistré en public à Pont-à-Mousson, dans le cadre du festival La Mousson d'été, le 26 août 2022. Lecture dirigée par Véronique Bellegarde. Réalisation, Pascal Deux. Novembre. Qu'est-ce que tu regardes ? J'ai cru voir quelqu'un. Qui ? Je sais pas, il m'a semblé qu'il y avait quelqu'un. Où ça ? En bas, près de la piscine. Ah, j'ai hâte que les beaux jours reviennent, qu'on puisse enfin se baigner. Là, tout de suite, je... Quoi, tu veux te baigner maintenant ? Non. Le déménagement nous donne assez de travail comme ça, j'ai pas la tête. Qu'est-ce que tu as ? Mais rien. Je n'ai rien. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu n'es pas contente ? Je sais pas. J'ai l'impression que ça ne te fait pas plaisir. On dit que déménager, divorcer et changer de travail sont les trois choses les plus stressantes dans la vie. Bon ben, on a tous les deux un travail. Oui. T'as pas l'intention de me quitter, n'est-ce pas ? Non, pour l'instant. Quoi, comment ça, pour l'instant ? Je n'en ai pas l'intention pour l'instant. Ah, tu me rassures. Alors ? Alors quoi ? Là, on est en train de déménager, ok ? Ça fait une raison sur trois d'être stressé, mais dans une semaine, tout sera fini. Oui. Alors qu'est-ce qui va pas ? Tous ces changements... L'appartement ne te plaît pas ? Si. Enfin, je pense que si. Ah, tu n'es pas sûr ? Ah, mais bien sûr qu'il me plaît. L'ancien appartement était... Quoi ? Humide, bruyant. Je te parle pas des voisins. On était à l'étroit, on voulait plus être locataire. Tu veux que je continue ? Non, c'est bon. Maintenant, on est au calme, loin de la ville, dans un appartement neuf, bien exposé. On a deux fois plus d'espace et il est à nous. Ouais, enfin, il le sera dans 30 ans quand on aura remboursé le crédit. Je déteste quand tu commences comme ça. Je suis contente, Olivier, je t'assure. On dirait pas. Tu sais bien que... Tu te noies dans un verre d'eau. Tous ces changements... Là, c'est un changement positif. Sans doute. Sans doute ? Ça m'effraie, voilà tout. Mais qu'est-ce qui t'effraie, au juste ? Tu as raison, je sais. Mais les changements me font peur, même quand ils sont positifs. Il m'arrive quelque chose de bien et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment ou un autre, ça risque de mal tourner. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ce que tu cherches. Mais non, bien sûr que non. Quand tu te mets dans des états pareils... Je suis désolée. J'adore cet appartement. On n'en dirait pas. Je trouve que l'ancien n'était pas si mal que ça. Tu parles sérieusement ? Il avait son charme. Je peux pas y croire. Je vais m'habituer. Non, j'hallucine. Il finira par me plaire. Mais tu te rends... Enfin, j'espère. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Bah oui, et alors ? On a une piscine en bas de chez nous. Oh, oui. Un appartement tout neuf. Oui. 95 mètres carrés. Oui. Avec la climatisation. Oui. On crèvera plus de chaud l'été. Oui. Et on a du soleil toute la journée. Mais oui, oui, oui, je sais. Alors ? J'adore cet appartement. C'est ce que je voulais entendre. Parfois, je me demande comment tu fais pour me supporter. Moi aussi, je me le demande. Le déménagement nous donne déjà assez de travail comme ça, alors s'il fallait en plus envisager une rupture, ce serait trop stressant. Tu es vraiment... Quoi ? Idiot. Tu as vu quelqu'un ? Je ne sais pas. Bah, il faisait peut-être visiter un appartement, ouais. Sans doute de futurs voisins. Je me demande à quoi vont ressembler les gens qui s'installeront ici. Si au moins... Quoi ? Quelqu'un s'installait. Bah, comment ça ? On est les premiers. Imagine qu'on soit les seuls. Bah, pourquoi pas ? On aurait la piscine rien que pour nous. Mmh. décembre. On nous a demandé de... rester après le travail. Pourquoi ? C'est pour ça que je rentre tard. Tu as pu prendre l'ascenseur ? Non. Il faudra qu'on appelle le réparateur. Les boutons n'arrêtent pas de clignoter et la porte ne ferme plus. J'ai dû prendre l'escalier. Olivier ? Quoi ? Tu m'écoutes ? Oui. J'ai l'impression que tu as la tête ailleurs. Bien sûr. Bien sûr, tu m'écoutes ? Oui, oui, oui, oui. À quoi tu penses ? Au travail et... Qu'est-ce qui se passe ? Une chose étrange qui m'est arrivée tout à l'heure sur la route. Sur la route ? Oui. En rentrant, il s'est passé quelque chose. Quoi donc ? Non, rien. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, c'est sans importance. Tu me racontes, oui ou non ? Non, bah, si ça se trouve, il s'est rien passé. Je ne comprends rien. Eh bien, bah, après le rond-point... Lequel ? Celui qui est à l'entrée de la zone industrielle. Ah, oui. Un type a surgi sur le côté de la route. Il était caché derrière des buissons, des arbustes. C'était très rapide. J'imagine que j'ai légèrement dévié de ma trajectoire. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un à cet endroit. J'ai eu l'impression que ce type... Levez la main. Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Il avait besoin d'aide ? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Je sais pas. Il a souri. Je crois qu'il m'a salué. Comment ça ? Et en fait, je sais pas. Ça s'est passé très vite. Tu le connaissais ? Non, je crois pas. Pourquoi ? Bah, tu dis qu'il t'a salué. Oui, enfin, c'est ce que j'ai cru. Il avait un problème ? S'il avait eu un problème, il m'aurait pas souri. Et il aurait agité le bras autrement. Non, non, non, il n'avait pas besoin d'aide, je crois que... Il m'a juste salué. C'est étrange. Alors, j'ai ralenti, je me suis arrêté. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? J'ai regardé dans le rétroviseur. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'il avait peut-être besoin d'aide. Tu es descendu de la voiture ? Non. J'ai fait demi-tour. Il n'y a pas beaucoup de circulation sur cette route, ça a pris une minute. J'ai roulé lentement en direction du rond-point, puis j'ai roussé chemin. Mais j'ai rien vu. Le type avait disparu. Ne t'avise pas de prendre des gens en stop. Il avait pourtant pas eu le temps de quitter le bord de la route, mais il était plus là. Non, je te dis de ne pas prendre... C'est étrange. Et encore moins la nuit. Et si ce type avait eu besoin d'aide ? Bah, tu viens toi-même de me dire que ce n'était pas le cas. Bon, il m'a souri. Ah, tu devrais pas me raconter des choses pareilles. Mais puisque je... Maintenant, chaque fois que je passerai par là... Bah, d'habitude, on rentre ensemble. Pas tout le temps. Sauf deux soirs par semaine. Parfois trois. Mais mon imagination me joue peut-être des tours. Maintenant, c'est moi qui vais m'imaginer des choses chaque fois que je passerai par là. Et pourtant, il aurait pas pu... Il y avait peut-être une voiture garée dans le coin. Tu n'as rien vu ? Non. Ou peut-être que... Non, non, non, non, non, non, non. Je suis sûr que non. Quand on quitte la voie rapide pour prendre cette route, cet endroit ici... Quoi ? Inhospitalier. De la voie rapide jusqu'à ici, on en a à peine pour 10 minutes. Ouais, c'est toujours désert, alors avec ce que tu viens de me dire... Oh, j'ai dû rêver, voilà tout. Ouais, bien sûr. Mais ça pourrait être le cas. Tu dis ça pour ne pas m'effrayer. De toute façon, il ne s'est rien passé de grave. Tu es descendu de la voiture. Non. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu es tellement sûr de toi quand tu dis qu'il n'aurait pas eu le temps de... Oui, je suis descendu de la voiture. Tu vois, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Mais je voulais juste... Quoi ? Vérifier. Et s'il t'était arrivé quelque chose ? Mais comme quoi ? J'en sais rien. Il n'aurait rien pu m'arriver. Mais comment veux-tu que... Et si cet homme avait eu besoin d'aide ? Tu m'as dit toi-même que tu t'en serais rendu compte. Si ça avait été le cas, j'aurais dû m'arrêter pour l'aider, n'est-ce pas ? Je sais pas. Oui, oui, je suppose que oui. Ah, oublie cette histoire, j'ai dû rêver. Oh, ne me fais pas croire que depuis quand est-ce que tu as des hallucinations ? Bon, je n'ai pas d'hallucinations. Si tu ne veux pas que je pense à ça, alors arrête de dire que tu as dû rêver. J'étais dans mes pensées. Tu pensais à quoi ? À mon travail. Qu'est-ce qui se passe ? On a une réunion aujourd'hui. Ah bon ? Oui, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis rentré tard. Tu m'en as parlé ? J'ai essayé. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ils préparent un plan de licenciement. Quand est-ce que vous l'avez su ? Aujourd'hui, pendant la réunion. C'est grave ? 8 personnes, au moins, sont concernées. Et tu penses que... Ah non, pas moi. Non, j'en mettrai ma main à couper. Personne n'est irremplaçable, tu sais. Ah, super. Ah, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Toujours aussi optimiste. Non, je dis juste que... Qu'il pourrait très bien se passer de moi. Non, que personne n'est irremplaçable. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je sais de quoi je parle. Oui, c'est sûr que toi, en tant que DRH, tu connais tout ça. Eh ben oui, c'est mon travail et j'ai l'habitude de... On n'est que deux à faire le même boulot, c'est plus facile pour eux de virer... Non, tu as raison. Un employé de bureau, un informaticien... Oui, sans doute. Ou quelqu'un d'autre, mais pas moi. Écoute, ouais. Je n'aurais pas dû dire ça, c'était une connerie. Quand est-ce que vous saurez? À la fin du mois. Voilà, en rentrant tout à l'heure, je pensais à tout ça. De là à avoir des visions. J'essaie juste de trouver une explication. Oui, bien sûr. Ce soir, j'ai croisé des gens qui venaient visiter un appartement. Ah oui? C'était un jeune couple, ils avaient plus ou moins notre âge, je les ai trouvés sympas. Tant mieux. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de visites. Visites de quoi? Bah, à ton avis, d'appartement. Ah oui. J'ai hâte qu'on ait des voisins et qu'il y ait aussi des commerces et quelques bars. Ah, ça va arriver. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ouais, et puis avec ce que tu viens de me raconter... Hein, quoi donc? L'histoire de ce type sur le bord de la route. Oh, Martha! Oui? Ne recommence pas avec ça. Si au moins on avait des voisins, les soirs où tu n'es pas là, je me sentirais un peu moins seule en rentrant du travail. Janvier. Cet après-midi, on pourrait peut-être... Quoi? Aller au cinéma? Oh, tu as pensé à un film? Non. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je sais pas. Écoute, on y va. Si rien ne nous plaît, on dîne quelque part. C'est juste que... Quoi? Bah, on doit prendre la voiture. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut une demi-heure pour y aller, puis une demi-heure pour revenir. Et alors? Non, rien. D'accord, on va au cinéma. Ah non, si t'as pas envie... Ce n'est pas ça. Eh bien? Je ne savais pas que tu voulais y aller. Bah, on est samedi, on est resté enfermé toute la journée, c'est juste histoire de faire quelque chose. Tu es fâché ou tu veux qu'on sorte? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, tu t'es enfermé dans la chambre avec l'ordinateur et là tout à coup tu veux qu'on aille au cinéma? Oui. Ça t'a pris comme ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tout à l'heure tu t'es mis dans un état pareil? Dans quel état? Dans quel état? Oui. C'est juste que... Ah, tu vois? Quoi? Bon, ça suffit. Je sais déjà ce que tu vas me dire et j'ai pas envie qu'on remette ça. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas. On arrête de s'engueuler et puis on va au cinéma? Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas le genre de décision qu'on peut prendre à la légère. Mais tu crois peut-être que je le sais pas? Bah si, mais... Je comprends pas pourquoi tu ne veux même pas en entendre parler. Oh, ce n'est pas ça. Ah non? Non. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Quel est le problème maintenant? Comment ça, maintenant? T'as toujours une excuse. Toujours? Oui. Si ça tenait qu'à toi, on ferait jamais rien. Eh ben alors allons au cinéma. Je te parle pas de ça. On vit ici depuis 3 mois. Oui, alors? Je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces derniers temps, j'ai des réunions qui finissent tard le soir. Quand je rentre, il fait déjà nuit. Je vois pas ce que cela a à voir avec le fait... Quand j'arrive en voiture... Je regarde la résidence et il n'y a pas un seul appartement éclairé. J'ai l'impression qu'on vit dans un désert. Tout est parfait sauf qu'il n'y a personne. C'est presque angoissant. Les jours vont bientôt s'allonger. Et alors? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as passé une mauvaise journée? J'ai ce sentiment-là depuis des jours. Ils vont vendre des appartements et tout va changer. Ça fait des mois qu'ils ne vendent rien. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas un commerce qui a ouvert. Pas un seul bar. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens, on serait les seuls clients. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un de l'agence qui faisait visiter un appartement. Mais ils n'arrivent pas à les vendre. Il y a de moins en moins de visites, les travaux sont à l'arrêt. Avant, on croisait encore des maçons, maintenant on voit plus personne. Arrête. Franchement, tu crois que ça donne envie de... Martha... Au lieu de penser à avoir des enfants, on devrait essayer de vendre cet appartement. Le vendre? Mais oui. Je croyais que... Non. On vient tout juste de s'installer? Oui. Ça fait à peine... Oui. Tu disais que tu voulais pas vivre dans oui. le centre-ville. Tu as insisté pour qu'on achète un oui. appartement ici. On était d'accord. Je sais. Et maintenant, tu... Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Tu as passé une mauvaise journée, voilà tout. Non. Je n'aime pas rentrer chez nous le soir. J'en suis paniquée. Paniquée? Oui. Parfaitement. Quand je reviens en voiture... Bah, recommence pas avec... Au début, je trouvais ça beau, tous ces lauriers sur le bord de la route. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ils poussent sans cesse et personne ne les taille. J'ai l'impression que les branches s'agrippent à la voiture. Ah, écoute, vraiment... Quoi? Toutes ces fleurs roses me dégoûtent. T'exagères. C'est ce que tu crois? La première chose que je vois en rentrant, c'est ce panneau. Nerium Park, appartement en vente. Et la fenêtre éclairée de notre appartement, il n'y en a pas d'autre. Arrête. Ça me désole. Bientôt. Quoi ? Eh bien... Les semaines et les mois passent, et ils ne parviennent pas à les vendre. Plus le temps passera, moins les gens auront envie de s'installer ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Même si on les offrait, les gens n'en voudraient pas. Bien sûr, maintenant, on va offrir les appartements. Bah, de toute façon, ça ne servira à rien. Tout va se dégrader et nous n'aurons jamais de voisins. Qui voudra vivre dans une nouvelle résidence où tout s'abîme parce qu'il n'y a personne ? Mais qu'est-ce qui est abîmé ? Ça fait presque un mois que l'ascenseur est en panne. Quelqu'un aurait dû venir le réparer. Ils nous ont dit qu'il viendrait. Après, ce sera autre chose, et puis une autre chose. Arrête avec tes conneries. Ce ne sont pas des conneries, hein. Tu as passé une mauvaise journée. Non. Bien sûr que si. Mais pourquoi est-ce que tu insistes ? J'essaie juste de... Ça sert à rien d'assister. C'est impossible. Ici, personne ne voudrait avoir d'enfants. Voilà le problème. Je croyais que... Mais tu remets ça ? Je sais bien que c'est pas facile à entendre, mais est-ce que tu te rends compte ? Tu imagines notre fils seul dans le parc ? Avec qui jouerait-il ? Il n'y a pas d'enfants ici. Ni dans le parc, ni à la piscine, ni ailleurs. Il n'y a personne. En ce moment, dans cet endroit, je ne vois pas comment on peut avoir envie d'avoir des enfants. Ni même de vivre. Ben, tu m'avais rien dit de tout ça. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise ? Eh bien, ce que tu ressens. Je n'aime pas cet endroit. En tout cas, pas dans cette situation. Voilà ce que j'ai. Moi, je n'aime pas qu'on soit comme ça. Tu crois peut-être que ça me plaît ? Non, bien sûr que non. C'est aussi à cause de tout ça, là, le travail. Je suis stressée et je sais bien que mes réactions... Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe ? On va licencier 10% des effectifs. Un salarié sur 10. Tu te rends compte ? Tu crois que j'aime prendre ce genre de décision ? Ben, ça fait partie de... Ah oui ? Ben, tu sais bien que... Recruter, c'est une chose. Mais dernièrement, j'ai l'impression que je passe mon temps à renouveler des contrats et à licencier des gens. Et à vrai dire, les renouvellements sont plutôt rares. Je dois aussi examiner les résultats de chaque salarié pour repérer ceux qui... Et le pire, c'est de devoir leur annoncer la nouvelle. Parmi ces personnes, il y en a au moins deux qui ont notre âge et des enfants. Tu comprends pourquoi je suis... D'accord, mais s'il fallait tenir compte de tout ça, on ferait jamais rien. Et dans ton entreprise, c'est la même chose. Tu sais bien ce qui se passe. Tu prends ça sans trop... Sans compter trop que je rentre de plus en plus tard et puis... Je comprends, mais on pourrait... Tu as raison, je suis désolée. Tu as envie de sortir ? Bah vraiment, et toi ? Et si on restait ici ? Le cigare. J'adore quand tu te foutes comme ça. Ah ! Olivier ! Quoi ? Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête ! Martha. On nous regardait. Quoi ? Un homme, là-bas, derrière cette fenêtre. Quand je l'ai vu, il a éteint la lumière. Peut-être que... Il nous regardait, je te dis. Dans l'appartement témoin ? Non, dans celui-là. Mais c'est pas l'appartement témoin. Mais justement, c'est ce qui est étrange. Je comprends pas pourquoi il était éclairé. Oh, tu as peut-être mal vu ou... Il y avait de la lumière, je te dis. Il nous regardait, j'en suis certaine. C'était peut-être le reflet d'un réverbère. Je te dis que non. Peut-être que... Peut-être que quoi ? Ah. Qui peut bien se trouver dans un de ces appartements un samedi soir ? Février. C'était très désagréable. Mais il t'a fait quelque chose ? Il m'attendait à la sortie du bureau. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il m'a appelée par mon prénom, il m'a prise par le bras. Tu étais seule ? Oui. Il a été agressif ? Je viens de te dire qu'il connaissait mon prénom et qu'il m'a prise par le bras, à ton avis ? Mais vous travaillez dans la même entreprise ? Je lui ai demandé de se présenter. Tu le connaissais pas ? C'est une grande entreprise, tu sais. On est nombreux. Mais pourtant, lui, il te connaissait. Mais pas moi. Quand il m'a dit son nom, j'ai tout de suite su qui c'était. Tu l'avais jamais vu avant ? Il travaille à un autre étage. Il n'est jamais passé à ton bureau pour signer un document ? Si, peut-être bien. On voit passer beaucoup de gens, tu sais. Bon, d'accord, je ne l'ai pas reconnu. C'est si grave que ça ? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il s'est présenté. Et il m'a dit que si on le licenciait, il allait vraiment être dans la merde. Son ex-femme est au chômage depuis plus d'un an. Ils ont une petite fille handicapée. Il ne savait pas comment il allait s'en sortir si on le foutait dehors. Ce sont ses propres mots, si on le foutait dehors. Oh, pauvre type. C'est la seule chose que tu trouves à dire ? Il devait être désespéré. Ce n'est pas moi qui prends la décision de licencier les gens. Là, oui. Comme tu travailles au service des ressources humaines... Eh bien ? Il doit penser que c'est toi qui... Oh, je te raconte ce qui m'arrivait. Quoi ? J'ai l'impression que tu justifies son attitude et que tu me rends responsable de la situation. Non, j'essaie juste de... Tu te trompes. Il ne peut pas m'attendre comme ça à la sortie du bureau. Me prendre à partie et me dire qu'il va faire une connerie. C'est ce qu'il t'a dit ? Oui. Et comment est-ce que tu as réagi ? Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui prenais ces décisions. Que mon travail consiste seulement à évaluer des dossiers. Et que je n'acceptais pas qu'il me dise ce genre de choses. Et lui ? Il ne voulait rien entendre. Je lui ai demandé de me lâcher le bras, c'est ce qu'il a fait. Mais tu vas bien. Je suis choquée. Je sais pas quoi dire. Selon toi, il devait être désespéré, c'est ce que tu penses ? C'est compréhensible. Quoi donc ? Qu'il soit désespéré. Bah oui, mais ça ne justifie pas son attitude. Il m'a aussi dit que c'était facile pour moi de faire comme si ça ne me concernait pas. Et que si l'entreprise se débarrassait de certains salariés, ce sont ses propres mots, il y en avait d'autres qui pouvaient se payer un appartement dans une résidence de luxe. Et comment est-il au courant ? Aucune idée, on travaille dans la même entreprise. Et tu as dit que vous ne vous connaissiez pas ? Eh bien, apparemment, ça, il le savait. Il sait aussi qui tu es ? Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Quoi ? Le jour où tu auras des enfants, tu comprendras. Voilà ce qu'il m'a dit. Les gens disent ce genre de choses sans... Sans quoi ? J'avais l'impression qu'il savait. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai vu à sa façon de me le dire et de me regarder. C'était comme s'il me provoquait. Tu en as parlé à quelqu'un ? Mais non, c'est encore trop tôt. Je t'ai dit que je voulais attendre au moins 2 ou 3 semaines. Mais il a dit ça sans réfléchir. C'est juste une façon de parler. Va pas chercher midi à 14h. Tu es certaine que t'en as parlé à personne au bureau ? À personne, j'en suis certaine. Pas même à Patricia ? Non. Il a dit ça comme il aurait pu dire n'importe quoi. J'ai eu l'impression qu'il savait. J'ai eu très peur, Olivier. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire ? Comment ça ? Vous allez le licencier ? Ça pourrait être lui ou un autre. C'est pas pareil. Si. Mais lui, est-ce qu'il est dans la liste des... Il ne fait pas partie des plus mauvais. Son rendement n'est pas terrible, mais... Je suppose que non. Mais en fait, j'en sais rien. Il y a bien pire que lui. Donc, tu pourrais peut-être le rassurer, ou bien... Je peux pas faire une chose pareille. Pourquoi ? Mais il y a des tas de gens dans sa situation. Suspendus à un fil... Avec une famille, des responsabilités. Je n'aurais pas dû lui parler. Et de toute manière, il n'avait pas à agir comme ça. Mais tu viens de dire que... Et puis avec le comportement qu'il a eu... Quoi ? Ça ne facilite pas les choses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il n'aurait pas dû réagir comme ça, voilà tout. Oh merde ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je comprends pas. Rien. Mais comment ça, rien ? Ah, ça va, je vais bien. Mais alors pourquoi est-ce que... Ça va. Mais... Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais que... Ça tomberait pas sur moi. J'ai eu tort, je suis sur la liste. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai été licencié, putain ! Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant ? Je savais pas comment. Quand est-ce que tu l'as appris ? Ça fait 3 jours. 3 jours ? On va trouver une solution, t'en fais pas. Je suis sûre que, avec mon salaire, on n'a pas de soucis à se faire. Et puis... Je comprends pas pourquoi c'est tombé sur moi. Ces choses-là... J'arrive pas à comprendre, il y en a tellement d'autres qui... C'est comme ça. Olivier, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant ? Je savais pas comment te le dire. Yeah. Mars. Olivier, tu es là ? Olivier ! Je peux savoir ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe ici. Calme-toi. La porte d'entrée était ouverte. J'étais sorti pour... Tu t'en vas en laissant la porte ouverte, mais qu'est-ce que... J'avais l'intention de revenir tout de suite. Tu étais où ? C'est quoi tout ça ? Tu pourrais au moins arranger, ça me donne envie de vomir. Tu vas bien ? C'est cette odeur de tabac et de bière. Je suis désolé. Et la musique ? Mais qu'est-ce que tous ces trucs et ce matelas gonflable font là ? Mais quelle musique ? Elle était à fond. Ah ? J'ai eu peur. De quoi ? À ton avis ? Je rentre, la porte est ouverte, la musique à fond, c'est le foutoir dans le salon. Toi, tu n'es pas là, je comprends rien. Laisse, je vais le faire. Mais tu as bu tout ça ? Ah, Martha... Qu'est-ce que t'as foutu ? On a discuté, on a bu quelques bières. Je crois que tu exagères si tu prenais le temps de m'écouter. Avec qui ? Tu me laisses t'expliquer ? Serge. Serge ? Qui est Serge ? Ça fait 2 jours qu'il s'est installé ici. On est descendu pour que je lui montre... Je savais pas qu'on avait un nouveau voisin. Nous, on se sert pas de toutes ses affaires et lui, ça peut lui rendre service, alors... Mais ce n'était pas la peine de laisser la porte ouverte. Qui aurait pu rentrer ? Je sais pas, mais il faut toujours fermer. Oh, je suis descendu 1 minute et... Tu n'aurais pas dû non plus laisser l'appartement dans un état pareil. Je suis désolé. J'ai eu peur, tu peux comprendre ça ? Tu as raison. Écoute, moi aussi je suis désolée. Tout va bien ? J'ai eu une journée difficile. J'ai préparé le dîner. J'ai pas très faim. T'es sûre que ça va ? Oui, oui, oui. T'as encore envie de vomir ? Non, non, non, ça va mieux. T'es sûre ? Oui, commence pas. Les premiers mois, c'est toujours comme ça. J'aurais dû ouvrir la fenêtre. C'est pas grave. Bon, je finis de ranger, on passe à table ? Comment est-il ? Qui ça ? Notre voisin. Ah, un type... normal. Mais c'est une famille ou bien... Non, il vit seul. Ah ? Seul ici ? C'est un grand appartement. Je pensais que ce serait une famille ou un couple. Non. Il a quel âge ? Notre âge, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Je sais pas. Tu ne sais pas ? Alors, on a fait connaissance cet après-midi. Vous êtes resté ici à boire tout ça et tu sais pas ce qu'il fait dans la vie ? Non. De quoi est-ce que vous avez parlé ? Olivier ? De tout et de rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il ne travaille pas. Comment ça, il ne travaille pas ? Tu as parfaitement compris, il ne travaille pas. Et il a acheté un appartement ici ? Pas tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien quoi ? Il s'est installé ici, mais il n'a pas acheté d'appartement. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as très bien entendu. C'est une plaisanterie ? Non. Il est installé au sous-sol. Au sous-sol ? Oui, dans le local à vélo. Ça ne me fait pas rire. Le matelas gonflable, on s'en sert pas, alors que lui... Je te dis que ça ne me fait pas rire. C'est pas une plaisanterie. Je peux pas y croire. Quoi ? Un SDF. Oui. Bah tu aurais dû commencer par là. Ce n'est pas un voisin. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu vivre ici, c'est un type qui est à la rue. Et toi, tu voulais lui. Mais hors de question de le laisser s'installer ici. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Oui, pourquoi ? Mais parce que ça n'a aucun sens. Il y a encore quelques jours, ça t'ennuyait qu'on soit seul ici ? Ce n'est pas la même chose. Ce type... C'est absurde ! On a besoin. Tu veux que ça devienne un centre d'accueil pour SDF ici ? C'est un type bien qui traverse un moment difficile. Il faut appeler l'agence immobilière, voilà ce qu'il faut faire. Cet homme dormait dans la rue. Olivier ! Depuis combien de temps il rôde dans les parages ? 2 jours. Tu te souviens de cet homme qui nous observait, qui a éteint la lumière quand je l'ai surpris ? Ça fait plus de 2 mois. Si ça se trouve, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Tu as dit que cet homme se trouvait dans un des appartements. Oui, et alors ? Tu n'es même pas certaine de l'avoir vu ? Bien sûr que si. Il m'a dit qu'il n'était là que depuis 2 jours. Il t'a peut-être menti. Pourquoi est-ce qu'il te dirait la vérité ? Quel intérêt ? Il aurait inventé tout ça. Je n'ai pas l'impression... Non, mais c'est incroyable, hein ? Tu le laisses entrer chez nous, tu lui fais visiter les lieux, tu veux déjà lui donner des affaires, et puis quoi encore ? Tu n'avais même pas l'intention de m'en parler ? Je pensais pas que tu le prendrais comme ça. Bah, j'ai vraiment du mal à y croire, je te le jure. Mais tu vois pas que... Quoi ? Mais comment voulais-tu que je réagisse ? Il a notre âge, il a plus de travail, il n'a rien. Je suis vraiment désolée pour lui, mais ce n'est pas notre problème. Ah non ? Non. C'est juste pour quelques jours. Hein ? Il est de passage. T'as vu le temps qu'il fait ? Il ne squatte pas un appartement, il vit dans le local à vélo, Martha. On n'a même pas de vélo. C'est que... Quoi ? Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui te dérange ? Je ne suis pas tranquille. Pourquoi ? Mais comment veux-tu que je le sois avec un type qui rôde dans les parages ? Dans quel local à vélo est-il ? Et dire que je... Celui qui est à côté de notre place de parking ? Non. Dans lequel ? Dans celui du premier bâtiment. Ce n'est même pas le nôtre. Martha, tu le croiseras pas. On lui donne juste un coup de main. On n'est pas une ONG. On ne sait pas qui est ce type, d'où il vient. Pourquoi est-ce qu'il vit seul ? Tu as pensé à ça ? On ne sait pas ce qu'il fait. C'est peut-être un alcoolique, un malade ici. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Mais c'est juste que... on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui ni de personne. Je n'ai pas envie qu'un inconnu s'installe comme ça chez nous. Qu'est-ce qui le rend si différent des autres voisins ? Mais ce n'est pas un voisin, Olivier ! Il n'a pas acheté d'appartement. Mais il ne peut pas ! Et il ne veut pas acheter d'appartement, Martha ! Il est dans le local à vélo et ça lui suffit. On va refuser qu'il dorme dans le local à vélo ? Avril. Il nous manque deux chaises. On sera nombreux ? Avec Patricia, on avait envie de fêter ça. Alors on a invité tous les collègues des ressources humaines. Tous ? Bah oui, tu imagines. Si quelqu'un apprend qu'on organise un déjeuner et qu'il n'est pas invité, ça serait pas très sympa. Ouais. De toute façon, tout le monde est déjà au courant. Ah. Évidemment. Je suis le dernier prévenu. Si on ne se fixe pas une date à l'avance, on fait jamais rien. Le temps qu'on se décide, on aurait pu accoucher toutes les deux. Patricia m'a dit qu'elle allait venir me donner un coup de main pour préparer le déjeuner. Je crois que je vais aller faire un tour. Elle est très sympa, tu sais. Elle parle trop. C'est mon amie. Je suis sûr qu'elle va vouloir m'aider à trouver un travail. Une équipe de responsables des ressources humaines et un chômeur. On dirait une histoire drôle. Oh, ce déjeuner va être marrant. On pourrait inviter Serge. Elle est enceinte de combien ? 3 semaines de plus que moi. J'ai l'impression que vous êtes synchrone. Tu lui as parlé de Serge ? À qui ? À Patricia. Oui. Ouais. Tu me l'avais pas dit ? Pas maintenant, tu le sais. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre ? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'on devrait prévenir les services sociaux. C'est ce qu'elle pense, elle aussi. Et s'il lui veut pas ? Bon, écoute, on a déjà eu cette discussion, là. Pour ça, il faut qu'il soit d'accord. Plus on tardera à trouver une solution, plus ce sera difficile de le faire partir. Ah, je vois. C'est une idée de Patricia ou tu y as pensé toute seule ? Tu m'avais dit qu'il ne resterait que quelques jours et ça fait un mois qu'il est ici, peut-être même plus. Oui. Patricia... Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? S'il arrivait quelque chose. Quoi donc ? Un accident. Quel genre d'accident ? Serge fume, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'en sais ? Tu l'as jamais... Mais parce qu'il a fumé, ici. Le jour où tu as fait sa connaissance et que tu l'as invité à monter. Oui, il fume. Et j'espère que tu ne... Ne t'en fais pas. Il ne montera plus. D'ailleurs, il est loin d'ici. L'idée même de le croiser... Il ne gêne personne. Maintenant, il est dans un autre bâtiment. De toute façon, tu l'as jamais croisé, n'est-ce pas ? Tu ne sais même pas à quoi il ressemble et c'est ça qui t'inquiète. J'espère que tu ne vas pas recommencer à fumer. Voilà ce que je voulais dire. Ça fait des mois que j'ai pas touché... Et il ne devrait pas fumer dans le local à vélo. Pourquoi ? Je sais pas. Il pourrait... Quoi ? Provoquer un accident. Ça, tu l'as déjà dit. Si quelque chose arrivait... Comme quoi ? Si l'assurance apprenait qu'on a laissé ce type... Il s'appelle Serge. Qu'on a laissé Serge s'installer... Qu'est-ce qui arriverait ? S'il y avait un accident, l'assurance ne nous couvrirait peut-être pas. Vraiment ? On devrait rembourser notre crédit et prendre en charge des dégâts que l'assurance refuserait peut-être de couvrir. Il faudrait payer et on ne peut pas se le permettre. T'y as pensé ? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas couvert ? Mais parce qu'on a permis à cet homme de s'installer ici. On ne peut pas prendre ce risque. C'est Patricia qui t'a dit ça ? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, elle ? Je n'en ai aucune idée. Où est-ce qu'elle va chercher des choses J'en pareilles J'en sais rien. On n'est même pas sûr que ce soit vrai. Mais si ça l'est, il faut qu'on se renseigne. Et t'as dit ça alors qu'elle y connaît rien. Elle a peut-être raison. Il n'est pas dans notre immeuble. Bah oui. Et peut-être que ce que t'as dit Patricia n'est pas vrai. Oui, mais en tout cas, ça me paraît assez raisonnable. Quand est-ce que vous en avez parlé ? Tu devrais lui dire de ne pas fumer dans le local à vélo, qu'il fasse attention. Pourquoi tu lui en as parlé ? Pourquoi pas ? Je comprends pas ce qui t'a poussé à le faire. On travaille ensemble et c'est mon ami. Ouais. Tu trouves que je n'aurais pas dû ? À propos de chaise. Quoi ? Moi je vais aller courir dans le bois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça fait une chaise en moins. Et comment ça, tu vas aller courir ? J'en ai envie. Mes amis viennent manger et toi tu vas courir ? Ouais. Tu parles sérieusement ? Je vais aller courir avec Serge. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça fait des jours qu'on en parle. De quoi ? Bah d'aller courir. Mais pas samedi. Pas ce samedi. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? T'as qu'à inventer quelque chose ? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ce qui te prend. Bah, c'est pourtant clair. Je vais aller courir avec Serge. Vous pouvez être tranquille. Vous ne nous croiserez pas. Comment vous vous y prenez pour virer les gens ? Quoi ? Comment vous vous débarrassez d'eux ? Je n'aime pas cette question. Qu'est-ce qu'il y a ? Et aussi ta manière de me parler. C'est juste que... Tu sais très bien que j'ai très mal vécu tous ces licenciements. J'arrête pas de penser à ça. Tu m'en as jamais parlé. J'aimerais que tu m'expliques. Je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Oui, je sais. Et parfois, je me dis que je ne sais rien de toi. Je me demande comment tu es au travail. Je ne suis pas sûre de te comprendre et je n'ai pas envie de faire l'effort. Tu veux pas répondre ? Serge. Encore lui. Qu'est-ce qu'il a ? Chaque fois que tu entends son je nom... Je n'aime pas ce type. Je te l'ai déjà dit. Ça fait 2 mois qu'il est installé ici, peut-être même plus. Il restait encore combien de temps ? Autant qu'il lui faudra. Ah ! C'est toi qui décides. Serge. Mais qu'est-ce que ce type t'a mis dans la tête ? Rien. Tu veux savoir comment ils se sont débarrassés de lui dans sa boîte ? On lui a annoncé qu'il était licencié, qu'il devait emporter avec lui ses affaires le jour même. Une personne l'a accompagné jusqu'au bureau qui avait été le sien pendant toutes ces années. Et pendant qu'il vidait ses tiroirs, elle est restée à côté de lui, afin de s'assurer qu'il n'emportait rien appartenant à l'entreprise, pas même une feuille de papier ou un classeur. Ou il aurait pu voler des documents ou transférer des données sur une clé USB. Alors, pour éviter cela, elle est restée à le surveiller, sans jamais lui adresser la parole. Elle l'a ensuite accompagné jusqu'à la sortie, en lui disant seulement « Au revoir et bonne chance !» C'est comme ça que vous faites ? Les entreprises doivent éviter que les salariés qui partent... Il s'est fait licencier. ...emportent des informations compromettantes. C'est donc comme ça que vous faites ? Ce n'est pas agréable, mais c'est une pratique habituelle pour éviter l'espionnage. Éviter que certains salariés volent des données et qu'ils les utilisent contre l'entreprise. Pour se venger ou pour trouver un nouvel emploi. Ah, je n'ai pas l'impression que ce soit un espion. Ah oui, mais... J'imagine qu'il voulait juste garder son travail et rien d'autre. Les entreprises... doivent tout mettre en œuvre pour éviter ça. On l'a mis à la porte, c'était pas la peine non plus de l'humilier. Tu parles comme si... Comme si quoi ? Comme si tu trouvais ça normal et que ça te concernait pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu parles de ça comme si c'était moi qu'on licenciait. Mais comment peux-tu ? Comme si tu voulais me convaincre que tu n'y es pour rien. Mais c'est le cas ! Ce n'est pas moi qui fixe les règles. Tu as déjà fait ça, toi ? Quoi ? Expliquer à quelqu'un qu'il ne doit plus revenir et l'accompagner jusqu'à son poste pour t'assurer qu'il ne va rien emporter. Je te le répète, j'ai travaillé toute la journée. Serge... Oh, tu vas pas recommencer ! Quand il m'a raconté tout ça, je sais bien que tu ne l'aimes pas. Mais tu crois vraiment qu'ils ont eu raison de le traiter comme ça ? Il avait déjà assez de problèmes comme ça, je suis pas surpris que... Que quoi ? Qu'il ait finalement décidé de baisser les bras. Oh bah alors, si tout le monde réagissait comme ça... Eh bien quoi ? Bah, y a aussi des gens qui ont des problèmes et qui se battent pour s'en sortir. Il avait un crédit, son ex-femme était au chômage depuis longtemps. Il devait lui verser une pension et en plus sa fille est malade. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est handicapée. Handicapée ? Mais quel genre de... Je sais pas. Et avec sa fille, est-ce qu'... Je sais pas. Tu dis qu'elle est malade. C'est comme si cette période de sa vie n'existait plus. Il n'en parle pas, je lui pose jamais de questions. Je respecte son silence. Mais il a tout quitté et ensuite... Ça t'intéresse tout à coup? Je te dis que je ne sais rien d'autre. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Quoi? C'est pas drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aime pas ça. De quoi tu parles? Tu es en train de tu me réponds oui ou non? Il y a quelques mois, je t'ai parlé d'un homme qui m'avait attendu à la sortie du bureau pour me demander, pour me supplier de ne pas le licencier. Tu te souviens? Oui. Il s'appelait Serge, lui aussi. C'est un nom assez courant, tu sais. Ah, et lui aussi était séparé, avait une petite fille handicapée. Et vous l'avez finalement licencié? Oui. Tu m'avais dit que sa situation n'était pas désespérée. Il était sur la liste. Pourquoi lui? Je te l'ai déjà dit, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Pourquoi est-ce qu'il t'a attendu à la sortie? Quelques semaines après son licenciement, son ex-femme a appelé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Lui parler. Il avait disparu. Elle était sans nouvelles depuis des jours. Il n'avait rien dit à personne à propos de son licenciement. Dans l'entreprise, une rumeur a commencé à circuler à son sujet. On disait qu'il s'était... Mais officiellement, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est lorsque son ex-femme a appelé pour demander des nouvelles. Ils étaient divorcés et avaient une fille handicapée. Apparemment, il avait cessé de verser la pension. Sans ça, personne ne se serait rendu compte qu'il avait disparu. Personne ne l'aurait regretté. Le jour où il est venu me parler à la sortie du bureau, il m'a dit que si on le licenciait, il ferait une connerie. Mais moi, je me suis juste occupée de son dossier. J'ai dû lui annoncer oui. Et j'ai dû aussi... Quoi? Mais rien! Ce n'est pas moi qui fixe les règles. Je veux que Serge s'en aille. Dès demain. À cette heure, elle est excellente. Oh là là, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? La porte était ouverte. Bah, ça doit être... Et il y a des gouttes de sang par terre. Oui, je sais. Je rentre, la porte est ouverte, il y a des gouttes de sang par terre. Bah, te fâche pas. Je me fâche pas, c'est juste que... Je peux t'expliquer. Ah vraiment, qu'est-ce qui se passe? On était à la piscine, Serge et moi. Serge? Oui, il s'est fait une égratignure, il a commencé à saigner, il n'avait rien pour se soigner, alors je lui ai dit de monter ici. Il est venu tout seul? Oui. Tu ne l'as pas accompagné? Non, je lui ai laissé les clés. Tu lui as laissé les clés? Oui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il a juste pris de quoi se soigner. Tu lui as laissé les clés, il est entré chez nous? Martha... Je n'arrive pas à y croire. Où est-ce qu'il est maintenant? Il doit être à la piscine. Je vois personne. Il y a encore une minute, il était en bas. Il n'y est plus. Il m'a dit qu'il voulait encore rester un moment. Eh ben non. Il a dû partir. Il peut être de l'autre côté de la piscine. Seul l'un des lampadaires fonctionne. Il faudrait d'ailleurs qu'on prévienne le syndic. Tout se dégrade. On devrait lui dire que... Je l'ai déjà fait il y a un mois, mais il s'en fiche. Je les ai rappelés aujourd'hui. Pour lui parler des lumières? C'est comme si... Quoi? Rien. J'ai eu l'impression de voir bouger quelque chose. C'est peut-être lui? Mais non, il n'y a personne. Il a dû partir. Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? Tu sais bien que cet homme... Quoi? Depuis qu'il est arrivé... Je crois que tu en fais un peu trop. Il ne peut pas rester plus longtemps. Je te le répète, ce n'est pas la même personne. Il ne travaille pas dans la même entreprise que toi. Je te l'ai décrit et tu m'as dit qu'il ne ressemblait pas à ce type. Mais moi, je ne l'ai encore jamais vu. Et de toute manière, il est revenu chez nous. Il a fouillé dans nos affaires. Comment est-ce qu'il est au courant? Au courant de quoi? Tout ce qu'il t'a raconté. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas chez lui? Il te fait penser à ce type que vous avez... Tu passes tes journées avec lui. Ou bien il te rappelle que moi aussi, je suis au chômage et c'est ça qui te dérange. Pff, laisse tomber. Alors t'as appelé le syndic? Oui. Ils vont réparer l'ascenseur? Je leur ai demandé d'installer une caméra. Une caméra? Oui. Où ça? Dans le garage et aussi dehors. Mais pourquoi faire? Je me sentirais plus en sécurité. Mais de quoi tu parles? Il t'a rendu les clés? Qui ça? Serge! Bah bien sûr, sinon comment j'aurais pu rentrer? J'étais déjà là, et ton ami à qui tu laisses les clés est entré chez nous. Il a laissé la porte ouverte. D'ailleurs, où sont les clés? Ouais, qu'est-ce que j'en ai fait? Où sont-elles? Bah j'ai dû... Où les as-tu laissées? Allez. Ah, mais voilà! Elles sont ici. Je ne veux plus que tu lui laisses les clés. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus que tu lui laisses les clés et qu'il entre chez nous comme ça. Comme si... Je ne veux plus qu'il entre chez nous! Tu parles sérieusement? Oui! Tu as demandé qu'on installe des caméras? Oui. Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Toi aussi, tu n'en fais qu'à ta tête avec ce type. Il s'appelle Serge. J'ai l'impression que mon avis ne t'intéresse pas. Il s'est installé ici. Dans l'autre bâtiment. Alors que je t'avais dit non. Il ne gêne personne. Ça dure depuis des mois et tu te fiches de ce que je pense. Tu as demandé qu'on installe des caméras. La porte du garage est cassée, elle aussi. Je dois descendre de la voiture pour l'ouvrir. Mais c'est ce qui te... Depuis que cet homme rôde dans les parages, tout tombe en panne. Ah, tu me fais rire. Et j'ai peur. À n'importe quel moment, je pourrais tomber sur lui. Dans le garage ou ailleurs. Il est dans l'autre bâtiment, je te dis. Quand il sort du local à vélo... On était complètement... De n'importe où. Parano, ouais. On devrait essayer de se calmer. Oui, oui, oui, t'as raison. Tu as là? Où ça? Derrière la jambe. Je sais pas. Là. Ah, j'avais pas vu. C'est une éraflure. Tu n'as pas pu ne pas la voir. Ah, je me demande quand est-ce que je me suis fait ça. Mais elle paraît pourtant profonde. Tu es sûr? Ouais. Bah, évidemment que je suis sûr. Tu as dit que c'était Serge. Oui. Mais c'est toi. Et lui aussi. Olivier? Où vas-tu, Olivier? Je file à la salle de bain pour me désinfecter. Juillet. On aura le petit, qu'est-ce qu'on lui donnera à manger? Des surgelés, des pâtisseries industrielles et des canettes de soda. Quel accueil! Bonjour. Tu viens d'où? Bonjour. Tu m'avais dit qu'aujourd'hui tu ferais des courses. J'ai dit ça? Ouais. Il doit bien rester quelque chose. Heureusement que je suis allée acheter à manger en sortant du bureau. Alors le problème est réglé, j'irai faire les courses demain. Tu m'as déjà dit ça hier. Tu pourrais peut-être aussi m'accompagner? Où ça? À l'échographie. J'ai parfois l'impression que tu ne penses plus à cet enfant. Bien sûr que j'y pense. Je suis toujours seule. Tu es fâchée? Non, c'est pas ça. Eh bien, moi, je le suis. Ça ne me dérange pas que tu passes tes journées enfermée ici. Que tu ne m'accompagnes pas chez le gynéco. Problème, vois-tu, c'est que j'ai l'impression de vivre dans un appartement d'étudiant. En ouvrant le frigidaire, je ne sais jamais ce que je vais trouver. Enfin, quand il reste quelque chose. Qu'est-ce qu'on mangerait ce soir si j'avais pas fait les courses? J'ai oublié, j'irai demain. Je ne vois pas ce que tu avais de si important à faire aujourd'hui. Je le ferai. Tu devais aussi faire le ménage et tailler les lauriers du jardin. Ils vont finir par envahir l'appartement. Je le ferai aussi. Je ne te crois plus. De toute façon, je suis fâchée. Ah, en plus, tu es fâchée. Je te rappelle que j'ai passé ma journée à bosser. Tu manques jamais une occasion de me le rappeler. Ne me parle pas sur ce ton. Toi non plus. Je peux savoir, là, ce que j'ai dit de... Tu me parles avec un air de supériorité. Je travaille 8 heures par jour. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. 8 heures pendant que toi, tu passes ta journée à ne rien faire et tu oses dire que je te parle avec un air de supériorité? Oui. Tu fais aucun effort pour chercher du travail. Comment tu peux dire une chose? À la maison, tu ne fais rien non plus. Qu'est-ce que tu en sais? C'est tous les jours la même histoire. Tu sais bien que juillet n'est pas la meilleure période pour chercher du travail. Ah, le mois d'avant, ça ne l'était pas non plus. Et le mois prochain, ça le sera encore moins. C'est ce que tu penses? Je peux t'assurer que même si j'étais malade, je préférais aller travailler au lieu de rester ici. On est bientôt en août et j'angoisse déjà à l'idée d'être en vacances. Ah, c'est si désagréable de passer du temps avec moi. Je ne te reconnais plus. Tu te laisses aller. Et en plus, tu oses me dire que tu es fâchée. Eh bien oui, je le suis. Ah, et je peux savoir pourquoi? J'imagine que tu es contente? De quoi tu parles? Serge est parti. Comment ça? Tu as eu ce que tu voulais? Ils ont installé des caméras, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin, deux types de l'agence immobilière sont venus. Qui les a appelés? Je peux savoir ce que tu leur as raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le tour du lotissement en frappant à toutes les portes. Ils ont inspecté les lieux de fond en comble, y compris le parking et le local à vélo. Mais je n'ai rien fait. Ils sont venus à ma rencontre dans le jardin près de la piscine. Ils m'ont traité comme si... Ils m'ont demandé qui j'étais, ce que je faisais dans la vie, dans quel appartement je vivais. Ils ont voulu m'accompagner jusqu'ici pour que je leur montre mes papiers. J'ai refusé. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas le droit d'agir comme ça, que j'étais chez moi. Ils m'ont dit que l'agence immobilière les avait envoyés parce qu'un inconnu s'était introduit dans le lotissement. Un inconnu. Voilà ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en montant, j'ai eu l'impression que toutes les portes se ressemblaient. Je me suis trompé d'appartement. J'ai mis la clé dans la serrure et c'était la porte d'à côté. Martha, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils se sont regardés avec méfiance. J'ai ouvert, on est entré. Ils ont insisté pour que je leur montre mes papiers. Je leur ai montré. Ils se sont excusés et ils m'ont dit qu'ils travaillaient pour l'agence et qu'on les avait informés qu'un inconnu était entré. J'ai voulu savoir s'ils l'avaient trouvé, ils m'ont dit que non, mais qu'ils ne leur échapperaient pas s'ils revenaient dans les parages. Ils se sont à nouveau excusés, puis ils sont partis. T'imagines que t'es contente? T'as eu ce que tu voulais? Tu te sens mieux maintenant? Y'a des caméras partout! Ces hommes reviendront peut-être pour s'assurer que les gens qui vivent ici ont bien le droit d'être là et que personne ne squatte le local à vélo, on sait jamais. J'ai passé la journée à chercher Serge. Et je l'ai trouvé nulle part. Il est parti. T'as plus de soucis à te faire. Tu crois que c'est moi? Tu as fait installer des caméras. Bien sûr. Mais non, ce n'est pas moi, je te le jure. Comment sais-tu qu'ils travaillent pour l'agence immobilière? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils t'ont montré leur carte? Non. Tu ne leur as pas demandé. Pourquoi? Ils se sont présentés, je les ai crus. Excuse-moi, je t'ai réveillé, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève mes baskets. Je vois ça. Je vais me recoucher. Tu es tout égratigné. Je suis allé courir jusqu'à la colline. Où ça? Jusqu'à la colline. J'arrive plus à dormir. Il est 6 heures. Ah oui, je sais. 6 heures du matin. Et toi, tu reviens de ton footing, à quelle heure es-tu sorti? Oh, il devait être 4 heures. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles? J'essaie juste de comprendre. Y a rien à comprendre? Tu es donc allé courir? Ouais, c'est ça. Tu t'es levé à 4 heures du matin pour aller courir, je peux savoir pourquoi? J'arrivais pas à fermer l'œil, je voulais pas non plus te réveiller. J'ai commencé à ressasser des idées noires et finalement je me suis dit, soit tu te rendors, soit tu vas courir jusqu'à la colline. Et tu as pensé que la meilleure chose à faire, c'était de te lever aux aurores pour monter là-haut? Il fallait juste que j'enfile mes baskets et c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée et tu n'étais pas là. J'étais effrayée. Je me suis dit que tu étais peut-être allé prendre l'air, mais je n'ai pas osé sortir. J'avais trop peur. Je t'ai appelé sur ton portable, mais tu ne l'avais pas sur toi. Il a sonné et j'ai sursauté. S'il nous était arrivé quelque chose, on n'aurait pas pu se joindre. Je suis allé courir, je te dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Il est 6 heures, Olivier. 6 heures du matin. Je voulais vérifier que le soleil se lève vraiment à 5h32. C'est ce que disait le journal. Mais c'est faux. Il s'est levé à 6h20. Un mensonge de 8 minutes. Un de plus. Tu es sorti pour vérifier l'heure à laquelle le soleil se lève. Ouais, c'est agréable de sortir à l'aube. Tu m'as laissé seul ici. Je voulais courir. Je croyais que depuis un certain temps, eh bien, ça allait mieux entre nous. C'est le cas? Tu es sûr? J'arrivais pas à... À quoi? Olivier, c'est la première fois que tu fais ça? Olivier, je me suis dit qu'on pourrait peut-être vendre l'appartement. Vendre? Et retourner vivre en ville. Qu'est-ce que tu racontes? On pourrait à nouveau faire un tas de choses, on aurait une vie sociale. Ils n'ont pas vendu un seul appartement depuis qu'on est ici. Comment veux-tu qu'on arrive à vendre le nôtre? Je sais pas, mais on pourrait quand même essayer. Et pendant un temps, on louerait un appartement pas trop cher, il faudrait serrer un peu la ceinture. Mais tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi, je crois que ce serait bien pour nous trois. Nous trois? Ben oui, nous trois. Moi, j'ai pas l'intention de partir d'ici. Mais tu vois pas que cette situation est complètement aberrante? Non, quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a d'aberrant? Mais tu te lèves en pleine nuit, tu pars courir jusqu'à la colline, tu veux savoir à quelle heure se lève réellement le soleil? Ce qui est aberrant, c'est que tu attends 6h du matin pour me convaincre de retourner vivre en ville. Puisque tu me proposes n'a aucun sens et tu le sais parfaitement. Olivier... Quand j'étais sur la colline, j'ai vu des lumières dans la forêt. Des lumières? Et j'ai aussi entendu un bruit de fond. Qu'est-ce que c'était? Des voix. Comment ça? Et je me suis dit que Serge était peut-être là-bas. Dans la forêt? Et aussi cet homme que j'ai croisé un jour sur la route et qui me faisait des signes. Mais de quoi tu parles? De ce type-là qui a surgi sur le bas-côté et qui me souriait. Olivier, ce que tu dis est complètement... C'est comme s'ils étaient tous là-bas dans la forêt. Cet homme que tu as vu et aussi Serge. Bien quoi? Et si tu t'étais trompé? Comme moi. Le jour où j'ai cru que quelqu'un nous observait depuis la fenêtre. Tu m'as dit que tu étais sûre d'avoir vu quelqu'un. Je me suis peut-être trompée. Comment ça? Mais oui, j'ai peut-être mal vu. Dans la forêt, il y avait des lumières. J'ai entendu des voix. Retournons vivre en ville. Ce sera mieux pour nous deux et aussi pour le petit. Cette nuit, je ne pouvais pas dormir. C'est comme ça depuis des jours. Je ne suis pas le seul. Il y a un tas de gens qui tournent dans leur lit, qui ne peuvent pas dormir et qui se consument. Mais cette nuit, tout m'a paru clair. Fallait que je fasse un choix. Dormir ou aller courir jusqu'en haut de la colline. Alors, j'ai mis mes baskets. Je veux rester ici, Martha. Je me vois pas vivre en ville. Je veux plus y retourner. Olivier, allons nous coucher. Oui. Oui, allons nous coucher. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai envie de... Envie? Ouais. Mais... Quoi? Il est tard. On est en vacances. Écoute, je suis pas sûre de... Comme ça, tu es terriblement... Grosse. Je suis grosse. Et alors? Non, rien. C'est juste que... Quand on s'est installé ici... Eh bien... Au début, tu te réveillais tôt le matin. Et parfois, tu venais me réveiller. Oui. J'aimais ça. Oui, mais j'étais pas... Quoi? Comme ça, c'était... C'est excitant. J'aimais quand tu venais me réveiller. Je dormais, puis tu grimpais sur moi. Tu as entendu? Quoi, non? Un bruit. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'ai l'impression que quelque chose a bougé. C'était un mouvement rapide, comme... S'il y avait quelque chose près de la piscine. Septembre. On aurait dit des jumelles. Quand on est arrivé au bureau, tout le monde a éclaté de rire. C'est déjà assez rare que deux personnes portent un même vêtement, alors imagine, le même ensemble. Toutes les deux enceintes et habillées à l'identique. En fait, on s'est rendu dans le même magasin et on a choisi l'ensemble qui était exposé en vitrine. Le vendeur qui a eu l'idée d'assortir ses vêtements peut s'en féliciter, ça a parfaitement fonctionné. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence que deux personnes qui travaillent dans la même entreprise aient eu l'idée d'acheter cet ensemble et de le porter le même jour. En plus, ce jour-là, on recevait le directeur général et des clients étrangers. Quand il est arrivé et qu'il nous a vus, il a dit qu'on ressemblait à des clones et que les gens allaient encore croire qu'on obligeait les employés à porter l'uniforme. Il paraît que quand deux personnes sont très proches, elles finissent par avoir le même comportement. Oui. Un jour ou l'autre, moi, je vais finir par ressembler à un canapé ou à une chaise. Je ne sais pas comment tu t'y es prise, mais tu as emporté presque toutes tes affaires. Ça fait des jours que tu dors plus ici. Je voulais aussi te parler de ça. Tu aurais peut-être pu commencer par là, tu crois pas? Oui, oui, c'est juste que je savais pas comment... Vous deviez pas être tout à fait pareil. Il me semble que Patricia est plus mince que toi. Tout du moins avant d'être enceinte. Oui, elle doit avoir une ou deux tailles de moins que moi. C'est ce que je pensais. Elle est toujours en couple avec Oscar? Oui. Tant mieux. Je me suis installée chez mes parents. Ça t'est pas venu à l'idée que je pouvais m'inquiéter? Ce n'était sans doute pas la meilleure façon de faire, mais je... En effet. Je savais pas comment te l'annoncer. Et si j'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais continué à discuter de tout, de rien, et tu serais partie comme ça? Je suis venue pour qu'on parle. Tu es sûre? Oui. On dirait pas. Alors, tu t'es installée chez tes parents? Oui. Tu vas y rester longtemps? C'est provisoire, définitif? Définitif. Je crois que c'est définitif. Heureusement que tu es venue. Pour moi, tout ça est très dur. Bien sûr. Je peux t'assurer que ça l'est. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? De l'appartement. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tu veux qu'on le mette en vente ou tu préfères me racheter ma part? Ils n'arrivent pas à vendre de nouveaux appartements. Tu crois qu'on va réussir à vendre le nôtre? Oui, oui, je sais. Moi, je suis au chômage. Je ne peux pas te racheter ma part. Peut-être qu'avec ta prime de licenciement... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me la verser et étant donné la situation, je préfère ne pas y toucher. Je vois, je vois. On pourrait peut-être appeler l'agence immobilière ou bien la banque. Pourquoi faire? Y a peut-être une possibilité, je ne sais pas. On perdrait peut-être de l'argent, mais il doit bien y avoir une manière d'arranger les choses. Tu es venue pour ça? Oui. Tu disparais sans donner la moindre explication? Et soudain tu débarques ici, tu te mets à parler comme si de rien n'était, quand... On a enfin une discussion. La seule chose qui t'intéresse, c'est de savoir ce qu'on va faire de l'appartement. Ce n'est pas agréable, j'en conviens, mais il faut qu'on trouve une solution. Et nous? Quoi? Faudrait aussi qu'on trouve une solution. On n'a pas encore parlé de nous. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Tu es sûre? Oui. Je ne te comprends pas. Ça fait même pas un an qu'on vit ici. Alors qu'on est ensemble depuis 9 ans. Je te rappelle qu'on attend un enfant. Écoute, pense à ce que je t'ai dit, on en reparle dans quelques jours et puis on fait le point. Tu t'en vas? Oui. J'ai l'impression que... Lâche-moi, je te demande de me lâcher! Moi non plus, je ne te comprends pas. Maintenant, tu veux qu'on parle de nous et de notre fils? Même lui, j'ai l'impression que tu l'as oublié. Comment peux-tu? Ça fait des mois que tu ne sors plus d'ici. Tu as arrêté de chercher du travail. La seule personne avec laquelle tu restes en contact, c'est Serge, et je ne l'ai encore jamais rencontré. Va bientôt arriver. Je croyais qu'il était parti. Oui, les types de l'agence immobilière ne sont pas revenus, alors de temps en temps, il passe me rendre visite. Il vient ici? Oui, il s'assure d'abord que la voie est libre. Olivier. Il m'a dit qu'il allait passer aujourd'hui. Il ne viendra pas. Il est sur le point d'arriver. Je ne l'ai jamais rencontré. Depuis que tu as fait sa connaissance, il ne s'est pas passé un jour sans que tu ne le vois, et moi, je ne l'ai pas croisé une seule fois. Ah, vous n'avez jamais eu l'occasion de... Mais ça fait presque 6 mois, c'est un peu étrange, non? Tu crois pas? Tu passes tes journées dehors, comment veux-tu le rencontrer? Non. Je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il n'existe pas. Tu as perdu ton travail. Tu as eu des réponses négatives à un tas d'entretiens, tu t'es découragé au point de ne plus vouloir y aller. C'est pour ça que depuis des mois, tu t'enfermes ici et que tu as inventé ce personnage. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas pourquoi tu l'as imaginé comme ça. Pourquoi un SDF? Pourquoi le local à vélo? Pourquoi lui avoir donné le nom d'un salarié qu'on a licencié? Je me demande si c'était pour me provoquer, pour que je me sente mal. C'est ce que tu crois? Oui, et je trouve ça cruel. Tu penses que j'ai inventé toute cette histoire pour te faire du mal? Je sais pas pourquoi tu l'as fait, mais je suis certaine que tu as tout inventé. Tu penses que je suis fou? Tu as besoin d'aide, mais tu ne te laisses pas aider. Je te dis qu'il va bientôt arriver. Cette histoire, je l'ai entendue 1000 fois. Il devrait déjà être là. Et il arrive toujours quelque chose pour que finalement je ne puisse pas le rencontrer. Tu n'as jamais souhaité le connaître. Dès le premier jour, tu as voulu qu'il parte. Mais oui, quand je croyais qu'il existait. Et maintenant, tu penses que j'ai tout inventé? Mais oui. Putain! Mais mets-toi à ma place! Ça m'est de plus en plus difficile. Moi aussi. Tu te comportes bizarrement depuis un certain temps. Si tu attends encore une minute, tu le verras. Non. Tu as perdu tout contact avec la réalité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aller courir à 4 heures du matin. C'est si étrange que ça? Et ces types que l'agence immobilière aurait soi-disant envoyés pour mettre la main sur Serge et qui t'auraient posé tout un tas de questions. Tu n'y crois pas non plus? Non. Tu as tout inventé. C'est ce que tu penses? Oui. Et ça justifie que tu quittes la maison sans me donner la moindre explication? Tu me fais peur. Je croyais que... Mais pour moi, depuis un certain temps, c'est de plus en plus difficile. Si tu t'en vas... Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'as prise par le bras comme ce type qui m'a attendue à la sortie du bureau pour me supplier de ne pas le licencier? Ce Serge qui a disparu et qui porte le même nom que ton ami? Il m'a dit qu'il ferait une connerie. C'est ce que tu voulais me dire, toi aussi? C'est ce que tu vas faire? Ce n'est pas mon problème. Allô? Oui, c'est moi. Comment, de quoi parlez-vous? Ah oui, ça fait 6 mois, l'ascenseur. C'est pour la réparation. Oui, c'est juste que... Non, vous savez, je suis un peu... Ça va vous paraître étrange, mais je... Avec Olivier, mon conjoint, tout a mal tourné. On était pourtant bien ensemble, on avait acheté cet appartement. J'attends un enfant et j'avais l'impression que... Mais je l'ai finalement quitté et je suis partie. Oui, je sais que vous ne m'appelez pas pour ça, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un et vous m'avez appelé. Écoutez-moi, Olivier a inventé un personnage qui existe ou qui n'existe pas, ou alors, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai encore jamais vu. Il traversait un moment difficile et c'est peut-être pour cette raison qu'il a inventé tout ça, mais maintenant... Oui, écoutez-moi, selon lui, il s'était installé dans le sous-sol de l'un des immeubles dans un local à vélo, mais je ne l'ai encore jamais vu. Ça paraît complètement fou, je sais, mais... Je vous demande juste de m'écouter. Je sais que vous faites votre travail et que vous appelez pour... S'il vous plaît. Le corps de mon conjoint flotte dans la piscine. Il est tout bouffi. Il y a aussi des canards. Je ne sais pas comment ils ont pu arriver là, ni depuis combien de temps il est dans l'eau. Il ne décrochait plus le téléphone depuis des jours et quand je suis arrivée ici... Ici, il n'y a personne. On dirait que ce n'est pas lui. Tout est en désordre. L'herbe a poussé, les branches des lauriers envahissent tout et dans la piscine, il y a des canards. Comment ils sont arrivés là? Je le regarde depuis un moment, je ne sais pas quoi faire. Vous m'avez appelé. C'est son corps. Je me dis que c'est peut-être pas lui, mais quelqu'un qui lui ressemble et qui porte les mêmes vêtements. Je sais bien que je me fais des illusions en essayant de me persuader qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. J'ai peur de quitter l'appartement, de descendre à la piscine. En venant ici, j'avais l'impression que les buissons bougeaient sur le bord de la route, j'entendais des voix. C'était comme un bruit de fond, j'ai même eu du mal à retrouver notre appartement. Il y a encore un mois, je vivais ici, mais en traversant le couloir de l'immeuble, je n'ai pas reconnu la porte d'entrée, je me suis trompée 2 ou 3 fois. Oui, écoutez-moi, ne raccrochez pas. Il a dû inventer ce personnage parce qu'il se sentait seul, je m'en suis rendu compte trop tard, je ne sais plus quoi faire. Et s'il disait vrai? Vous m'écoutez, vous êtes toujours là? Non, je vous dis la vérité. Je vous assure que tout cela est vrai. Je sais que je ne devrais pas, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, puis vous m'avez appelé. S'il vous plaît, ne me laissez pas, ne raccrochez pas, je vous en prie. J'ai besoin, je suis dans le bâtiment 7, au 2e étage, la porte numéro 8. Le lotissement s'appelle Nerium Park, il se trouve à 1/2 heure de... Vous m'écoutez? Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Nerium Park! Nerium Park, de Joseph Maria Miró, traduit du catalan par Laurent Gallardo, enregistré en public à Pont-à-Mousson, dans le cadre du Festival La Mousson d'été, le 26 août 2022, avec Julie Pilot et Éric Berger. Lecture dirigée par Véronique Bellegarde, assistée de Léa Falconet. Musique originale composée et interprétée par Philippe Thibault. Conseiller littéraire, Guillaume Poix. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous et Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Anissa Zidna. Réalisation, Pascal II. Nerium Park est lauréat de l'aide à la création d'Arsena. Lecture présentée en partenariat avec le projet Fabula Mundi Playwriting Europe, soutenu par le programme Europe Créative de l'Union européenne.